parle. Des bulles qui éclatent, qui enchantent, des bulles magiques, drôles, poétiques, des bulles de rêve, des bulles d'évasion. C'est ça que vous allez vivre là-bas, avec vivacité, s'il vous plaît. C'est rue du Bocage, 21e édition, samedi et dimanche. Et vous allez chercher les infos, évidemment, sur notre page Facebook, avec pas moins de 65 représentations qui sont au programme en deux jours à peine. On vous retrouve demain dès 6h avec un nouveau Liège Matin et tout de suite Benjamin Maréchal qui vous arrive. Avec ses nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde. D'abord, cette information importante. Christophe Grandjean, on peut arrêter les fouilles dans les bois du pays. La famille est réunie. Ah. Monsieur de Warzée. J'ai retrouvé mon oncle, mon grand-père. Oh là là. Et nous étions encore avec Christophe Grandjean hier près du canal en cherchant. Jérôme, où es-tu? Vous n'aviez pas de nouvelles, Cathy Melon, non plus. J'ai eu peur. Moi, je me suis tracassée. Je me suis cru qu'il lui était arrivé quelque chose. C'est pour vous que je suis rentré. Mais voilà. Alors que ce mec était juste au Panama avec sa mallette noire. Sarah Depardieu, hein, qu'on s'est inquiété. On s'est inquiété et je le trouve très très blanc, donc je m'inquiète toujours. Mais alors, vous étiez moins inquiété, vous. Hein, j'ai écouté un petit peu. Vous n'aviez l'air à moins inquiète du groupe. Vous savez qu'elle a voulu prendre votre place pour le cactus. J'ai dû dire non. Jérôme est un ami. Écoutez, j'apprécie le geste. Vous me connaissez. Allez, le mouton est rentré au bercail. Je répète, le mouton est rentré au bercail. Vabona, votre arme contre les insectes. Tous les nuages sont là, Denis. Tous les nuages sont là, je répète. Vous me traitez de mouton. Très bien. Non, de nuages. Très bien. Et je répète aussi, la rançon a bien été versée. La rançon a bien été versée. Et d'ailleurs, on va avoir aujourd'hui encore la rançon de la gloire de l'été, puisque nous aurons des températures caniculaire, 27 à 33 degrés, peut-être même bien 34 du côté de la Campine. Un vent modéré de sud-est. Ces fortes chaleurs pourraient s'accompagner d'un petit peu de nuages d'altitude sur le nord, mais sans conséquence. La nuit prochaine, très douce, 17 à 21 degrés. Et puis demain, on aura encore 1 degré de plus. Et puis vendredi, samedi et dimanche, les températures resteront dans le centre du pays supérieures à 30 degrés. Un changement pourrait intervenir, mais pas avant la nuit de dimanche à lundi. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, un violent tremblement de terre cette nuit dans le centre de l'Italie. Il y aurait au moins 6 morts selon les dernières informations. Le séisme s'est produit à 150 km de Rome, a été ressenti jusque dans la capitale. Nous allons en direct en Italie dès le début de ce journal. Les pompiers, bientôt mieux équipés quand ils interviennent sur les lieux d'un attentat, un kit attentat va leur être fourni. Le but de ces kits, c'est de fournir les moyens nécessaires qui vont permettre aux pompiers de poser les premiers gestes dans ces zones de danger, et ça concerne notamment l'arrêt des hémorragies importantes. Nous détaillerons tout à l'heure le contenu de ces kits attentats. L'actualité est marquée aussi par les fortes chaleurs qui pourraient se transformer en canicule. Une bonne nouvelle pour les piscines en plein air qui vont faire le plein de nageurs. Bientôt la rentrée et avec elle les embouteillages. Où en sont les gros chantiers à Bruxelles, notamment dans le tunnel Montgomery? Nous irons sur place pour le savoir. Le retour de la délégation olympique belge hier soir. Les familles des athlètes étaient présentes à l'aéroport. Et puis au cinéma ce mercredi, War Dogs, l'histoire incroyable mais véridique de deux jeunes potes qui vont tenter de gruger le gouvernement américain et se faire de l'argent grâce à la vente d'armes. .6 sur l'échelle de Richter, c'est donc un puissant séisme qui a réveillé le centre de l'Italie cette nuit. L'épicentre se trouvait à Norcia, à 150 km de Rome, mais les secousses ont été ressenties jusque dans la capitale, une grosse secousse et puis des répliques. Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie, il y a de gros dégâts et malheureusement des victimes. Oui, pour le moment, les télévisions italiennes parlent d'une dizaine de victimes. Ce sont principalement des gens, des personnes âgées qui habitent dans ces villages, mais aussi des familles qui ont été surprises au milieu de la nuit par ce tremblement de terre qui, comme vous l'avez dit, a dépassé 6 points sur l'échelle de Richter. C'était à 3h36. La magnitude est importante. C'est plus ou moins celle qui a eu lieu à L'Aquila en 2009. Mais ce qui était aussi très important, c'est que la secousse était à 4 kilomètres de profondeur et donc elle a été fortement ressentie dans tout le centre de l'Italie. Les dégâts sont importants car il s'agit de petits villages dans cette zone de montagne, des petites maisons en pierre évidemment qui se sont écroulées comme des châteaux de cartes. Le maire du village d'Akumoli a dit que la moitié de son centre historique est à terre et donc évidemment on craint que d'autres victimes ne soient encore retrouvées sous les décombres. Les secours sont en route mais il y a un peu de difficulté pour arriver dans les zones touchées. Oui, le bilan est donc provisoire car les secours s'organisent difficilement pour accéder au lieu du sinistre. Oui, en effet, il y a des routes qui se sont écroulées, un pont qui s'est écroulé également, et donc c'est un petit peu difficile d'accéder, même si maintenant, presque cinq heures après le séisme, pratiquement tous les villages ont été rejoints par des équipes, soit de la protection civile, soit par des ambulances et des pompiers. Un régiment de l'armée italienne est également en route pour aller évidemment monter des camps de tentes pour accueillir les réfugiés de ce tremblement de terre. Alors c'est vrai que le centre de l'Italie est une zone sismique, les gens sont habitués à ce genre d'événements, il y a encore eu quelques secousses ces derniers jours, mais 6 points sur l'échelle de Richter, c'est important. Et comme je vous le dis, ce sont des tout petits villages et donc il y a évidemment peu de moyens de secours dans ces centres habités, généralement par 500-600 habitants, mais qui en cette période de l'année ont un peu plus de personnes car c'est une habitude pour les Romains d'aller passer le mois d'août dans les secondes résidences qu'ils possèdent souvent dans ces villages de montagne. Merci Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. Au Portugal, ce sont les incendies qui ont repris dans le centre du pays cette nuit. 1 millier de pompiers mobilisés, 95 000 hectares de forêt et de broussailles sont déjà partis en fumée au début du mois d'août sur l'île de Madère. C'est au cas où les pompiers reçoivent des kits de premiers secours adaptés aux attentats. Oui, on sait que les blessures que les pompiers rencontrent lors d'un attentat sont des blessures que l'on voit plutôt en zone de guerre. C'était le cas le 22 mars lors des attentats de Bruxelles. Les pompiers doivent alors agir très vite. Et pour faire face à ce genre de situation, la Fondation des Brûlés distribue en ce moment des valisettes avec tout le matériel spécifique, comme l'explique Jean-Pierre Arnould, administrateur délégué de la Fondation. Le but de ces kits, c'est de fournir les moyens nécessaires qui vont permettre aux pompiers de poser les premiers gestes dans ces zones de danger. Et ça concerne notamment l'arrêt des hémorragies importantes, donc ce soit des gros pansements compressifs, soit poser un garrot. Pour les brûlés, ce sont des pansements spéciaux qui vont couper la douleur immédiatement et qui vont froidir la brûlure. Donc ce sont vraiment des gestes élémentaires qui permettent aux services de secours d'extraire les patients dans les meilleures conditions et surtout d'éviter qu'il y ait des morts inutiles parce qu'on n'a pas pu poser ces gestes élémentaires. Les pompiers n'avaient pas ce matériel lors des attentats ? C'est-à-dire que, si vous voulez, suite aux attentats de Paris, il y a eu une conscientisation et certains services ont commencé à s'équiper. Mais il nous a paru important de prendre cette initiative de façon à ce que si par malheur ils sont confrontés à quelque chose demain, ils aient déjà une base pour travailler. L'administrateur délégué de la Fondation des Brûlés, interrogé par Nathalie Servet. Christophe, c'est encore une grosse journée de chaleur qui s'annonce aujourd'hui. Et oui, puisque le mercure va dépasser les 30 degrés, hein, vous avez entendu de Nicolas, et une canicule est annoncée pour ces prochains jours. Les conseils d'usage, boire beaucoup d'eau, éviter les efforts trop importants, surtout en pleine journée, bien surveiller les personnes les plus sensibles, les enfants et les personnes âgées. Un bon moyen de se rafraîchir, c'est les piscines en plein air. Martial Gio s'est rendu hier au domaine de l'Hirondelle à Otep, près de Huy. Il y a 4 piscines et 8 toboggans là-bas. C'est l'un des plus grands parcs aquatiques de Wallonie. Les nageurs étaient ravis, mais aussi les touristes de passage et aussi les responsables du domaine. On les écoute. I think they're both pretty smart. Ce n'est pas le bon reportage. Est-ce que nous avons le reportage? Non, on l'écoutera un peu. Voilà. Franchement, c'est le top. Avant la rentrée des classes, c'est parfait. Il y a du soleil, vous en profitez. Obligé. Et vous avez eu l'occasion de beaucoup en profiter cet été ? Pas trop. Avec le temps qu'il y a ici, c'est rare. Dans les prochains jours, on annonce toujours du beau temps. Vous allez revenir ? Oui, on reste ici toute la semaine. Donc, il n'y a pas de problème, on sera là. Ludo Martens dirige le domaine de l'Hirondelle. Ça va inciter les gens de venir avec une belle journée. Aujourd'hui, on est mardi et ça va continuer jusque samedi, dimanche. Donc ça va inciter, je pense qu'on aura encore plus de monde dans les prochains jours et on terminera la saison en beauté, une saison qui n'a quand même pas commencé trop bien. Nous sommes ici pour une semaine. Quand tu es arrivé, c'était très gris, il n'y avait personne, pas un chat. C'est vrai que c'est agréable d'avoir un peu de soleil parce que les gens sont de meilleure humeur. On voit les choses différemment, c'est agréable. Voilà, et si vous souffrez de la chaleur, courage et patience, dans quelques jours, ce sera déjà terminé. Je vous apprends rien en vous signalant que la rentrée approche, et avec elle, les embouteillages. Il reste une semaine de vacances pour les écoliers, mais leurs parents ont parfois déjà repris le travail, et ce sera surtout le cas à partir de lundi prochain. Où en sont les gros chantiers qui ont pourri la vie des automobilistes durant la première partie de l'année à Bruxelles ? On va faire le point avec vous ce matin, Baptiste Tupin. Vous êtes au tunnel Montgomery, toujours fermé pour rénovation. Est-ce que les choses ont un peu avancé pendant les vacances ? Oui, Christophe, les travaux sont toujours en cours ici. Il s'agit de refaire la dalle de plafond de ce tunnel qui, je le rappelle, s'était tout de même déplacé. Des hommes sont d'ailleurs en train d'y travailler en ce moment même. Vous entendez peut-être les machines qui s'activent derrière moi. Mais ces travaux seront un peu plus longs que prévu parce que les autorités bruxelloises ont décidé d'en profiter pour rénover un pont qui est tout proche. Les embarras de circulation autour de ce tunnel important de la capitale se poursuivront donc jusqu'en novembre. Alors, il n'y a pas que le rond-point Montgomery, hein, Baptiste. Il y a aussi, non loin de là, le viaduc Reyers qui a été détruit. Et puis le tunnel Stéphanie en cours de travaux dans le quartier Louise. Où en sont ces deux chantiers ? Alors, il y a plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne les travaux du tunnel Stéphanie. Il se termine. Selon Bruxelles Mobilité, il devrait être fini le 31 août. Par contre, du côté des travaux du viaduc Reyers, qui inquiète tous les automobilistes qui arrivent par la E40 à Bruxelles, ces travaux, ce sont des travaux de très grande ampleur. Ils ont avancé normalement cet été avec la destruction des rampes d'accès au viaduc. Mais ce sont à présent tous les travaux de réaménagement de cet axe routier important qui devront commencer. Merci Baptiste Tupin, on retiendra que les choses avancent et c'est déjà ça. Une nouvelle compagnie aérienne belge va probablement voir le jour, son nom Air Belgium. Plusieurs entrepreneurs belges collaborent pour le moment pour créer cette nouvelle compagnie qui se spécialiserait d'abord dans les vols à destination de l'Asie, quelques vols par semaine vers la Chine ou l'Inde. On ne sait pas encore d'où opérerait cette compagnie Air Belgium, de Bruxelles, de Charleroi ou de Liège. 8h10, le 8-9 Sport, avec le retour des Belges des JO de Rio. C'était hier soir à l'aéroport de Bruxelles. La délégation était composée d'une soixantaine d'athlètes. Les autres étaient déjà rentrés. Les supporters n'étaient pas autorisés à assister à ce retour pour des raisons de sécurité, mais les proches des sportifs étaient présents. Miguel Allot a assisté aux retrouvailles. L'aéroport national avait réservé une partie du hall des départs pour accueillir les athlètes. Les familles et les proches sont là. Ils attendent avec impatience l'arrivée de l'avion. C'est le cas du papa de Tom Bone, l'attaquant des Red Lions, l'équipe de hockey sur gazon, qui nous est revenue avec une médaille d'argent. Une grande joie en tout cas pour l'accueillir. On n'a pas su aller sur place, donc c'était un minimum de venir, pas rien que lui, toute l'équipe en tout cas, de le féliciter, de les encourager et à faire mieux la prochaine fois peut-être. Du côté de la famille de la médaillée d'or en heptathlon, Nafissa Toutiam, sa famille était évidemment présente et fière de retrouver la championne olympique. Enfin, tout le monde est fier, on est venu à plusieurs, tout le monde l'attend avec impatience, oui. Maintenant, j'espère qu'au niveau plus général des jeunes, ça met un engouement sur l'athlétisme, sur l'heptathlon en particulier. À leur arrivée, les athlètes ont été reçus par une nuée d'applaudissements. Après cet accueil chaleureux, Nafissa Toutiam n'avait qu'une envie, retrouver sa famille. La famille, c'est vraiment les supporters qui sont là toute l'année, dans les bons moments comme les plus difficiles. Donc je pense que quand quelque chose d'aussi énorme nous arrive, c'est vraiment avec eux qu'on a envie de le fêter en premier. Après ces belles performances aux Jeux Olympiques de Rio, place donc aux retrouvailles en famille, un peu de repos pour certains avant les prochaines compétitions. Voilà pour ce retour de la délégation olympique auquel assistait le Premier ministre Charles Michel. Les prochains Jeux, c'est donc au Japon en 2020. D'ailleurs, le drapeau olympique est arrivé cette nuit à Tokyo. En football, l'AS Rome ne participera pas à la Ligue des Champions. L'équipe italienne où évoluent les Diables Rouges Thomas Vermaelen et Radjan Nainggolan a été éliminée par Porto hier soir lors des barrages. Les Romains se sont inclinés 0-3 après avoir partagé un but partout au match aller. À noter aussi les qualifications de Monaco et du Celtic Glasgow. Ce soir, la suite du programme avec notamment Manchester City et Kevin De Bruyne qui reçoit le Steaua Bucarest. En tennis, Steve Darcy dispute aujourd'hui son premier match de qualification à l'US Open. Le Liégeois 108e à l'ATP affrontera Tommy Paul, un jeune Américain classé 215e joueur mondial. Mercredi, c'est le cinéma avec le retour du réalisateur de Very Bad Trip. Ouais, et c'est encore l'histoire d'amis qui vont s'embrigader dans une folle aventure, sauf que cette fois, il s'agit d'une histoire vraie. War Dogs, c'est le titre du film, s'inspire d'un scandale financier qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Deux amis d'une petite vingtaine d'années profitent de la guerre en Irak pour empocher des sommes faramineuses et duper le gouvernement des États-Unis. Ils profitent précisément d'une faille qui permet à de toutes petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée. Alors nos deux amis démarrent avec du petit matériel inoffensif, mais appâtés par l'argent facile, ils tombent dans le trafic d'armes. Naïfs, fêtards, totalement inconscients, ils vont devenir criminels de guerre. Au casting, l'une des valeurs montantes du cinéma américain, Jonah Hill. Il a entre autres été nommé aux Oscars pour sa prestation aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Cathy Mullen a rencontré Jonah Hill. Elle lui a demandé s'il est protagoniste de cette histoire rocambolesque était plutôt des génies ou alors de véritables crétins. On peut dire qu'ils sont assez intelligents, mais totalement idiots aussi, parce qu'ils se mettent dans la mouise jusqu'au cou. Ils ne font qu'accumuler les mauvaises décisions. Sinon, on peut dire que ce sont aussi de vrais entrepreneurs, mais avec une morale plus que questionnable. Dans l'absolu, cette histoire évoque vraiment bien tout ce flux incroyable d'argent généré par la guerre, et c'est important de faire des films qui dénoncent toutes les actions stupides du gouvernement. Bon, j'adore vivre aux États-Unis et être américain, mais je suis tout à fait conscient aussi de tous ces trucs fou et malsain que mon pays engendre. Cette histoire dingue, c'est un peu le rêve américain, tellement poussé à l'extrême qu'il en devient corrompu. War Dogs, donc c'est une histoire qui semble incroyable, hein, Cathy. Quand on regarde le film, on se dit que ce n'est pas possible. Des gamins de moins de 25 ans, fêtards, fumeurs de joint, n'ont pas pu gérer des contrats pour l'armée américaine. Alors ce sont des jeunes qui vont se retrouver avec des trafiquants d'armes en Albanie, qui vont aller en Irak. Ça paraît à peine croyable, mais c'est vrai. Et je trouve que ce film tombe à un bon moment parce que c'est très trumpien. On se dit que si Trump accède au pouvoir, on aura des gens comme ça qui profitent encore plus de la guerre qu'à l'heure actuelle. Puis c'est un film sur l'économie de la guerre. On sait que les États-Unis, il n'y a pas que de la politique derrière tout ça, il y a énormément d'argent, mais c'est traité de manière divertissante. C'est-à-dire que c'est drôle, on a peur pour eux et en même temps c'est intelligent. Et donc inspiré d'une histoire vraie. Ouais, aussi. Puis il y a un événement quand même, il y a ce jeune youtubeur de la Louvière, Jimmy Labeu, qui est au cinéma. Oui, dans Le Correspondant. Vous avez aimé ? Oui, pas mal. Super. Alors j'explique à Jérôme, donc là le journal est terminé, parce que vous n'avez pas l'habitude du truc. Le journal est terminé, puis dans quelques instants il y aura un cactus, et puis il y aura des invités. Il faut raconter des blagues. Ah, j'allais dire, il n'y a pas une petite blague prévue là maintenant ? Je vais vous résumer ça dans une seconde. L'ambiance est bonne. Hein. 8h16, voici un nouveau 8-9. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le point sur vos conditions de circulation à 8h16. Comment ça roule, Benoît Ferrière ? Bah écoutez, ça roule relativement bien encore. Quelques ralentissements concentrés sur l'axe E40 ex-Bruxelles à hauteur du viaduc d'Herstal. À l'heure actuelle, vous perdez 8 minutes 30 sur à peu près 5 km. Le nouveau chantier qui a débuté, lui, sur la E25 entre les Pays-Bas et Cherat, pour le moment, vous cause 4 minutes 20 en direction de Liège sur à peu près 8 km. Et on dézoome un petit peu pour constater que du côté de la E42, dans le sens Saint-Vith vers Bâtisse, eh bien, à partir de ça, on constate des ralentissements déjà sur plus de 6 minutes en direction de Verviers en raison du chantier qui se déroule là-bas. Ça vient même de passer à 8 minutes à l'instant et donc on surveille ça. Attention à ce contrôle radar aussi qu'on me signale ce matin sur le 40 entre Bruxelles et Liège, entre Berlo et Christenay précisément. Levez le pied et modérez votre vitesse. Un problème sur la route ? Prévenez le 04 344 76 44. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Apprendre un métier, c'est le défi que vous proposent les écoles de promotion sociale FPS. Grâce à nos formations qualifiantes, vous pourrez travailler dans des domaines qui vous correspondent vraiment. Les écoles FPS vous proposent également une formation générale pour obtenir vos certificats primaires et secondaires. Inscription pour nos cours à Liège, Verviers, Warem et Anu dès le 25 août. Ecolefps.be. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Bon, le programme de ce matin, c'est évidemment le cinéma avec Cathy tout à l'heure. Vous vous souvenez de Caroline Loeb? C'est la Watt, c'était dans les années 80-86, si ma mémoire est bonne. Eh bien, Caroline Loeb sera avec nous tout à l'heure. Ah. Elle vient présenter ceci, ça s'appelle Mes années 80. Alors, c'est pas vraiment un dictionnaire complet de tout ce qui s'est passé dans les années 80, mais c'est sa sélection, ce qu'elle a aimé, les gens qui l'ont marqué. Elle avoue sa flamme à Isabella Gianni. Vous vous souvenez de l'actrice Isabella Gianni? Enfin, monsieur Maréchal! Écoutez! Excuse-moi. Vous vous souvenez de Catherine Deneuve? Elle s'appelle à Johnny, la boum 1, la boum 2, enfin. Je ne m'adresse pas aux seniors que vous êtes, mais bien à ceux qui ont 15 ou 16 ans. Isabella Gianni était en son temps une actrice, rappelez-moi, enfin, terminer ma phrase. Le nom de la jupe, par exemple. Où elle a fait la reine Margot, elle a fait de nombreux films. Oui, je fais bien de m'adresser. Oui, parce qu'effectivement, je ne sais pas si là, tout est recadré. 15, 16 ans. Est-ce qu'elle était dans Very Bad Trip? Non, elle n'était absolument pas dans Very Bad Trip. Bref, on reparlera des années 80 avec Caroline Loeb, qui sera notre invitée tout à l'heure, et vous verrez si sa sélection correspond évidemment à la vôtre. Je voudrais vous signaler qu'il y a une place pour le Kikadi tout à l'heure. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant au 3063 SMS « Je veux jouer ». Puis vous indiquez votre nom, votre prénom, ainsi que vos coordonnées complètes. Il y aura une citation à identifier, un cadeau à la clé. Vous pourrez choisir une seule personne autour de la table pour vous aider à identifier la citation. Ah. C'est au 3063. Oui, ça a changé. Ah, c'est nous, assez nouveau. Oui. Je n'ai pas reçu de mail. Mais la circulaire 6B. Mais enfin, mais c'est la 9K que j'ai reçue. Voilà. Prévoyant également les emplacements de parking dans l'entreprise cette saison 2016-2017. Soit, il est 8h20, Jérôme, les choses sérieuses maintenant, le cactus. Et j'espère que votre excuse est bonne, puisque vous avez quand même 2 jours de retard. Mais moi aussi, je suis ravi de vous revoir, Benjamin. Mon intonation le disait. Absolument. Bonjour à toutes et tous. Une Wednesday, alle Malen, alle Femmel. Ravi de vous retrouver au beau milieu des vacances d'été. Bientôt, l'on reprendra cette chronique le 10 juillet. Alors oui, vous m'attendiez lundi, mais à coup le pas. Et il faut bien l'admettre, vous avez raison, moi aussi, à l'instar de RTL TV qui a présenté sa nouvelle grille de rentrée hier, moi aussi j'ai complètement raté ma rentrée. Premier tacle de la saison pour RTL, lâche les chevaux de Warzé. Chers auditeurs, afin d'excuser cette indélicatesse horaire, j'affiche une excuse irréfragable. J'ai accompagné nos athlètes à Rio et nous sommes rentrés hier soir. C'est ça. Les images en attestent parfaitement. Je faisais partie intégrante du staff technique de la délégation belge au Brésil. En qualité de quoi? Je vais vous le dire. Oui, parce que le public veut. J'étais responsable du matériel plastico-prophylactique de divertissement libidinal. Donc je m'occupais des capotes. Oui. Voilà, on voit quand même directement ceux qui se protègent et ceux qui prennent ça par-dessus la jambe. Quand je pense que je vous ai embrassé et chaleureusement ce matin, monsieur Maréchal. Et quand on sait où vous passez vos vacances, il est exclu que je manifeste encore envers quelque endroit de votre anatomie la moindre effusion virile sans que vous ne m'ayez soumis vos certificats médicaux. Elle m'a dit qu'elle était majeure. Dégueulasse. Enfin, qui a dit ça? Premier tacle pour RTL, deuxième tacle pour Maréchal. N'en tirons aucune conclusion. C'est dégueulasse. Ah, j'en ai distribué des préservatifs à Rio. Quelle santé ces athlètes, même les frères Borlée, 2 heures avant leur dernier relais, et j'ai des témoins. Rio 2016. Nous avons frissonné aux exploits de nos champions, et cela dès la cérémonie d'ouverture. Hein, rappelez-vous, nous avions défilé à 9. Donc on prit 3 kinés et le coach de badminton sous les vivas du roi Philippe qui criait « Allez les diables !» Pendant que Mathilde félicitait François Hollande pour son but victorieux en 8e de finale du Tour de France, nous étions prêts. Et puis, la compétition n'affissa tutti am. Ouais. Médaille d'or. Ouais. La dernière fois que j'avais autant vibré pour une athlète prénommée Nafissa Tou, c'était aux Olympiades du Sofitel à New York. Oui. Mais à la réception d'une épreuve de saut en sortie de douche, vraiment, nos hockeyeurs, une bravoure, un parcours exemplaire à côté d'eux, nos diables rouges. Entre Nainggolan qui fume comme un pompier, Fellaini qui se peroxyde décoloré, Kevin De Bruyne qui s'emballe et... Didier Reynders ne s'y est pas trompé, Il a couvé notre staff de hockey. Il ne les a pas lâchés de tout le tournoi. Pensez donc, une vingtaine de jeunes issus du BOE qui ramènent de l'argent en Belgique en ayant un boulot taxé à côté, le rêve de sa vie. Il lançait des cartes d'adhésion du MR depuis le balcon de la troisième tribune du Maracana. Hier soir, sur le tarmac de l'aéroport, je l'ai vu, il s'est enchaîné à Tom Boone. Une pluie de médailles, vous le savez, hier à la douane, le détecteur de métaux n'arrêtait pas de sonner. Non, quel... C'est beau, c'est bien. Et bravo à Van Avermaet, Timmels van Tichel Tore. On ne parle pas la même langue, on ne mange pas la même chose, on ne s'habille pas pareil, mais on a la même passion. Une mention spéciale tout de même pour Evie Van Acker en voile. Bravo, c'est courageux de concourir en voile avec tout ce qui se passe en ce moment. Bref, le bilan est positif, ces jeux ont été grandioses. Bon, les piscines étaient vertes, les terrains de hockey étaient bleus, Usain Bolt faisait des selfies pendant ses finales et les trois filles qui ont gagné le 800 mètres étaient des Brésiliens. Mais à part ça, rien d'anormal. Petite déception, aucun Belge à l'épreuve du 50 km marche. Après tout l'investissement et le foin qu'on a fauté de ce piétonnier, on peut quand même parler de gâchis. La vie reprend son cours, les Diables Rouges ont un nouvel entraîneur espagnol. À cet égard, je signale à notre gouvernement que si lui aussi, à l'instar de nos instances footballistiques, décidait de remplacer Charles Michel par un magicien espagnol expérimenté dont le profil était similaire à celui déjà en place, je lui signale que Garcimore est décédé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Quant au football proprement dit, la Jupiler League a repris ses très chers droits et dans nos clubs phares, il n'y a du mouvement qu'au niveau des transferts. Ah, j'aime bien les vacances, vous ont fait du bien. Je vous remercie infiniment. Voilà, c'est là. C'est pour vous j'ai dire. J'ai congé demain. Bien sûr. Désormais, ce sera un jour sur deux. Ah, ça, j'aimerais bien, vous savez. Ah, et le deuxième jour, une rediff, évidemment. Alors, on reprend nos habitudes, puisque tout le monde est de retour. Le cactus est à revoir sur la page Facebook du 8-9. Dans quelques instants, c'est à disposition 24 heures sur 24. Celui-ci est collector, puisque c'est le premier donc de cette nouvelle saison. Il est 8h24. Avant d'entamer le Zap Télé avec télépro.be, Sarah, simplement vous signaler que tout à l'heure, la Une Télé présentera les nouveautés de sa saison, les nouvelles émissions à partir de 12h30 sur la avec page Facebook. Oui. Il y aura des nouvelles émissions. Oui. Vous allez tout à l'heure à 12h30 sur la page Facebook RTBF TV et là dans un Facebook Live vous verrez toutes les nouveautés. On parlera des nouvelles émissions. Peut-être même qu'il y aura un mot sur Sarah. On parlera peut-être des même qu'il y aura projets. Un mot sur Benjamin Maréchal. Bon alors le nom peut-être de cette émission. Peut-être sur The Voice. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore. Des surprises. Eh bien alors par pudeur, ne parlons ni de Sarah ni de nous. Non. Surtout parce que si on le dit, on se fait engueuler. Pour parler des nouveaux coachs de The Voice, nouvelle saison. On les a. La news est tombée hier. Qu'est-ce que c'est ? La news est tombée hier. Les nouveaux coachs de The Voice. Elle est tombée bientôt, cette news. On a la mama. Vous allez être surpris. La mama BJ qui rempile pour une sixième saison. Cathy, vous êtes contente ? Ah oui, moi je suis fan. Hein. Elle amène du peps, ses petites blagues et ses petits mascotchés la gueule. Bébé. Quentin Mossiman, quatrième saison. Il est toujours là. Il rempile lui aussi. Alors, place de Stanislas, qui lui n'est plus là, on a Suarez. Ouais, ah, Martin Hila du groupe Suarez qui revient, c'est lui qui avait amené Roberto Bellarosa à la victoire et puis la big surprise. La grosse surprise. Et attendez, parce que sur Alison de Roof, tout le travail derrière, c'est Marc Pinilla de Suarez, le groupe. Hein, ouais. La surprise, c'est un duo pour remplacer les Cats and Trees. On a Big Flo et Oli. C'est du rap, c'est du hip-hop. En fait, ils sont très jeunes. Ils ont 20 et 23 ans. Ils viennent de Toulouse. Ils s'appellent Florian et Olivier. Ils sont frères, donc. Et ils chantent ça, c'est Gangsta, notamment. J'arrive en Lamborghini. Des filles en bikini, des flingues, tu me reconnais. Voilà. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais Cathy va nous rappeler la biographie de Big Flo. Oui, ils sont nés en 1994 à Toulouse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont quand même suivi des cours de conservatoire d'instruments classiques. Ouais. Donc ils ont quand même une expérience musicale assez importante. Ils ont eu d'autres chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Comme d'hab et une autre qui s'appelle Je suis. Voilà, et prendre un enfant par la main. Hier. Mais comme d'habitude, c'est une reprise, non? Mais non, je te bouscule. Ah, et tu ne te réveilles pas. Ah, non, c'est pas celle-là. Et ceci dit, on est surpris parce qu'il faut être honnête. On les connaissait pas vraiment bien. C'est vrai. Mais pour les jeunes, être là avec des mecs du rap et du hip-hop, c'est quand même autre chose que de se retrouver face à Moran. Avec tout le respect que j'ai Moran. Bon. Mais non, mais c'est plus en phase. Pourquoi c'est elle qui prend ? Expliquez. Et juste, je vais vous sauver, Benjamin, juste pour vous dire que vous pouvez encore auditionner en ligne. C'est jusqu'à vendredi. Donc c'est important pour participer à la sixième saison. Oui, mais alors de sauvez-moi Voice. Avant que je tacle, pas après. Ça n'a pas de sens, votre méthode. Donc inscrivez-vous en ligne. Inscrivez-vous. Nick Lapoli, ça peut partir. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le monde sauvage d'Ewaï et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Avec Vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre Hole in One est disponible pour moins de 15 balles, 14,99€ par mois pour être précis. Vous allez dire, mais non. Alors pour en profiter et ne pas être hors-jeu, allez vite vous renseigner dans une boutique Vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir Vous Sport World. Offre soumise à condition. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Ce dimanche, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous revenez de la mer ou des frontières luxembourgeoises et françaises, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info veillent sur votre retour de vacances. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mercredi. Un puissant et meurtrier tremblement de terre cette nuit en Italie, 6,2 sur l'échelle de Richter. Le séisme s'est produit dans le centre de l'Italie à 150 km de Rome et a été ressenti jusque dans la capitale. Le bilan actuel, une dizaine de morts, nous disait tout à l'heure Valérie Dupont. On a davantage d'informations dans le journal de 9h. Les pompiers bientôt mieux équipés quand ils interviennent sur les lieux d'attentat. Un kit attentat va leur être fourni, notamment pour soigner les graves brûlures et les fortes hémorragies. Et puis la canicule guette, plus de 30 degrés au thermomètre aujourd'hui et ces prochains jours. N'oubliez pas de prendre soin des personnes les plus sensibles, les enfants et les personnes âgées notamment. Oui, ce truc est complètement dingue. Il fait encore plus chaud qu'hier. 34 degrés, ce sont les maxima annoncés pour aujourd'hui. Hier, on était à 30. 34 degrés, donc la journée est belle, à nouveau ensoleillée. On gagne des degrés. Il n'y a pas trop de vent. Bref, c'est tout bon, tout bon. Il est 8h30. Dans notre région. Bonjour Marc-Hildesheim. Bonjour Benjamin. L'actualité de ce mercredi, vous l'avez entendu, est évidemment dominée par ce puissant tremblement de terre. Cette nuit en Italie, il y a au moins une dizaine de morts. Des personnes sont toujours bloquées sous les décombres et des bâtiments se sont écroulés. La secousse a été ressentie jusqu'à Rome, à 150 km de là. Barbara Schall, ces nouveaux événements dramatiques sont évidemment suivis avec inquiétude par la nombreuse communauté italienne installée en province de Liège. Oui, car le séisme a touché une zone assez large en Italie. Des familles liégeoises pourraient donc être touchées de près ou de loin par ce séisme. C'est en tout cas ce que pense Dominique Peta, le consul honoraire des Italiens de Liège et de Luxembourg. Il y a pas mal de personnes, bien sûr, du centre de l'Ombrie, des Marques, qui sont ici à Liège, bien sûr. Nous allons au consulat, nous allons nous mettre en contact directement avec le consulat général de Charleroi et l'ambassade pour voir quelles sont les informations que nous pouvons donner aux familles qui habitent la Belgique et qui ont sans doute des parents proches dans cette région d'Italie, oui, bien sûr. Oui, des craintes qui sont d'autant plus grandes qu'on a pour l'instant du mal à évaluer l'ampleur de ce séisme. Oui, le bilan provisoire est d'une dizaine de morts, mais Dominique Peta le redoute, ce bilan risque de s'alourdir encore. Il fait même le rapprochement avec le tremblement de terre de L'Aquila en 2009, qui avait fait 300 morts. L'Aquila, c'était un séisme de magnitude 6,3, celui-ci est de 6,2, donc c'est presque le même, on va dire. Ça peut être aussi catastrophique qu'Aquila, espérons qu'en tout cas, qu'il n'y aura pas le même nombre de décès, de morts et également aussi une destruction de tout un patrimoine culturel italien. Un certain nombre de bâtiments se seraient effectivement effondrés, mais là encore, à cette heure-ci, difficile d'avoir une vue claire sur la situation. On ne l'attendait plus et pourtant, le voilà bien de retour. Le soleil a repris du service et sera d'ailleurs présent tout au long de la semaine. Les températures vont dépasser les 30 degrés, de quoi évidemment redonner la banane. À ceux qui vendent des glaces par exemple, ou à ceux qui exploitent des piscines découvertes, et globalement à tous ceux qui ont le temps d'en profiter. Comme a pu s'en rendre compte Lorraine Macoubicois, elle s'est rendue au Jardin botanique et au Parc de la Beauvrie à Liège. Est-ce que vous êtes content que le soleil est là ? Oui ! On a décidé d'aller visiter le musée de la Beauvrie. Vu qu'il fait bon, bah, on est venu pique-niquer sur le parc. Comme ça, ils profitent un peu de la chaleur et du bon temps pour ne pas retourner tout de suite renfermés dans les locaux. En famille, bah, on a décidé de venir ici parce qu'il faisait beau, on voulait profiter. On a amené des raquettes, des jeux de cartes et tout ça. On a pique-niqué ici. Ça fait plaisir que le soleil soit revenu. Et voilà, on en profite pleinement. Décompresser le temps de midi avant de repartir au boulot. C'est magnifique parce que c'est calme, c'est tranquille. On peut les laisser courir, on peut les laisser rouler à vélo. Oui, tout cela ne doit pas nous faire oublier évidemment que la phase d'avertissement du niveau 2 du plan forte chaleur est désormais activée depuis aujourd'hui. Cela veut dire concrètement qu'une attention toute particulière doit être apportée aux plus vulnérables comme les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge. Bien s'hydrater, éviter les activités physiques trop intenses à l'extérieur, ce sont les principaux conseils à suivre. Cela dit, voilà qui est tout de même plus agréable sous le soleil. 69 jeunes issus de 17 pays se retrouvent cette semaine à La Rède à l'occasion d'un concours européen de jeunes jardiniers. Ils auront l'occasion de démontrer leur maîtrise de l'horticulture au travers de nombreuses épreuves. Michel Plunus, chef d'atelier à l'Institut provincial d'enseignement agronomique de La Rède, est un des organisateurs de ce concours. Essentiellement, ils sont départagés sur des épreuves en paysage, parc et jardin, des épreuves en horticulture et en floristerie. C'est un concours qui est assez relevé ? Oui, je pense. Les collègues ont dit que c'était vraiment une bonne qualité au niveau des épreuves. Quel est l'objectif d'un tel concours ? L'objectif est évidemment l'objectif de rencontre entre pays, l'échange. Mais derrière ça, on a la volonté de voir ce qui se passe dans un autre pays au niveau compétences, manière de, ne serait-ce même que la manière de faire. Les fêtes de Wallonie en province de Liège débutent ce week-end et c'est la commune de Herve d'ailleurs qui accueillera les premières des 180 manifestations programmées dans 68 communes de la province. Des fêtes de Wallonie dont le point d'orgue se passera à Liège le week-end du 16 au 18 septembre avec notamment de nombreux concerts dont les têtes d'affiche seront iPhone, Overphonic et l'inoxydable Chantal Goya. Je ne sais pas s'il en est fan mais c'est donc le bourgmestre de Herve, Pierre-Yves Jollet, qui inaugurera les premières festivités. Quel en sera le programme ? Il est au micro d'Olivier Tunus. On a intégré cette ouverture des fêtes de Wallonie à ce qui existait déjà, une fête locale à José et aussi le théâtre de rue le week-end, le samedi et le dimanche. Et donc, on va intégrer certaines manifestations comme un baptême de l'air en Montgolfière le samedi après-midi. Mais aussi, c'est important dans le cadre de ces fêtes de Wallonie de mettre l'accent sur la vie associative, la vie culturelle, la vie sportive. Et par exemple, c'est une tradition de chanter le Valeureux Liégeois ou le chant des Wallons. Et bien, on a pu regrouper les chorales de l'entité qui nous feront évidemment l'honneur et le plaisir de faire ces deux chants. Donc c'est important aussi parce que ça resserre les liens, des liens de proximité dont on a beaucoup besoin en ces circonstances aujourd'hui. La scène du bocage qui s'intègre également dans l'événement. La fête du bocage, le théâtre de rue, c'est la 21e édition avec toute une série d'artistes. Les fêtes de Wallonie en province de Liège qui débutent donc ce week-end à Herve. La suite du 8-9, c'est dès à présent avec Benjamin Maréchal. Et à 9h, c'est vous qui le dites avec trois débats sur la table. D'abord, une bonne nouvelle. Enfin, les deux policières de Charleroi qui ont été défigurées à la machette sont sorties de l'hôpital et il paraît qu'ils voudraient à terme retravailler à la police. Eh bien, nous vous demandons tout à l'heure si vous pensez que ces femmes en seront encore capables. Psychologiquement et physiquement, elles veulent revenir. Depuis 3 ans, les petits Wallons choisissent de moins en moins le néerlandais comme deuxième langue. C'est l'hécatombe. Est-ce que vous êtes sûr qu'en Belgique, ce n'est pas quand même une erreur? Et puis, Electrabel qui surprend, qui lance une nouvelle offre panneaux solaires. Qui croit encore au potentiel des panneaux sur le toit de sa maison, parce que eux, ils reviennent avec une offre. Marion Jomotte, Standard ouvert. 8h36, c'est l'ouverture officielle du Standard. Alors contactez-nous au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Vous pouvez aussi retrouver les sujets de ce matin sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. On rejoint Benoît Ferrière à la police de Liège pour un point sur les conditions de circulation avec d'abord cet accident qu'on vient de m'apprendre sur le 42 Baptiste Prume à hauteur de Spa. Le passage est difficile, c'est dans la bretelle de sortie de Spa en direction de l'Allemagne. Prudence, qu'en est-il en région liégeoise? Eh bien, en région liégeoise, ben non loin, justement, il y a des problèmes sur le 42, donc Verviers-Prume d'abord dans le sens donc justement de Spa où on note 4 minutes 40 de ralentissement juste avant Sarre-les-Spa. On ne sait pas si c'est en raison justement de l'accident qui vient de s'y produire. Dans l'autre sens, en tout cas, c'est en raison des travaux qui se déroulent là et on continue à perdre 10 minutes en direction de Verviers à partir de Sarre-les-Spa. Sinon, du côté de Liège, eh bien, sur la E40 ex-Bruxelles à hauteur du viaduc d'Herstal, 8 minutes 10 de perdu, et sur le nouveau chantier de la E25 en provenance des Pays-Bas jusqu'à Cherat, on perd quelques minutes, 4 à 5 pour le moment cumulé. Merci Benoît Ferrière et puis on continue de vous informer avec le centre Perex dans la suite de la matinée. Vous avez du talent et recherchez un métier motivant? 80% de nos diplômés décrochent un job ou créent une entreprise dès la fin de leur formation. Pourquoi pas vous? Le centre IFAPME Liège-Ouïwarem propose des formations dans plus de 100 professions, notamment en alternance. Toutes les informations sur centre-lhw.ifapme.be ou au 04 229 84 00 à Liège et 085 27 13 40 à Villers-le-Bouillet. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Et c'est bien parce qu'il y a un Belge au cinéma. Donc si vous êtes souvent sur YouTube, vous connaissez Jimmy Labeu. Bah, Jimmy Labeu devient donc une star du cinéma. On en reparlera tout à l'heure. C'est un très bon acteur, ma foi. Absolument. Mais c'est un compliment. Mais alors, vous êtes une amie. J'ai vu le film hier en avant-première, c'est vraiment très bien. Et à propos de Labeu, il en filme. C'est son vrai nom, hein. C'est son vrai nom? Son vrai nom, oui. Ah, je pensais que c'était un pseudo. Non, c'est son vrai nom. Ah bah alors autant pour moi. Désolé. Rappelez-nous du tac au tac pour ceux qui arrivent maintenant, Sarah. Qui sont les nouveaux coachs de The Voice Belgique? Alors, on a Marc Pinilla Suarez, Scott oui. Qui rempile. On a Big Flo et Oli, c'est un duo de rappeurs, ils sont tout jeunes, ils viennent de Toulouse. Et puis il y a à la Quentin place Mosiman, Stanis... merci. Ah j'ai lu vos fiches. Voilà. Allez. Voilà. Et qui lui reste. Quentin Mosiman, c'est le petit DJ okay, là. Quentin Mosiman. Oui, ça va, oui. Bon, 8h40, nous sommes maintenant en 1986 et cette année-là, la radio cartonne, c'est la Watt. Toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé le... C'est la Watt dessinée Caroline Loeb et qui revient avec un livre qui s'appelle « Mes années 80 ». C'est pas un dictionnaire complet des années 80, c'est sa sélection pour refaire ces folles années. Caroline Loeb est en ligne avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On découvre dans ce bouquin, parce que c'est une sélection très subjective, à la lettre A, puisque c'est par lettre, votre amour d'Isabelle Adjani. Vous dites elle est le point tellurique du cinéma français. Pourquoi tellurique oui, du cinéma français? Parce que c'est quelqu'un, c'est une comédienne vraiment très particulière, très vibrante, très forte, très intense. Et c'est vrai que dans les années 80, c'est L'été meurtrier, c'est Camille Claudel, c'est des rôles... très fort et voilà, elle a quelque chose d'unique, Isabelle Adjani. C'est pas juste une actrice, c'est vraiment quelqu'un de très très vibrant. Mais alors vous faites bon, pas qu'un petit portrait parce que vous la défendez un peu, donc on sent le lien d'amitié. Ce que vous dites, elle a été abîmée, la phrase est belle, elle a été abîmée par la vulgarité des regards cannibales. Vous êtes d'accord avec ça, Cathy? Oui, je pense qu'il y a eu un acharnement et un bashing envers Isabelle Adjani. On se souvient qu'elle avait dû venir au journal télévisé français dire qu'elle était vivante et qu'elle n'avait pas le sida. Enfin, elle a vraiment été pourchassée, cette femme, et elle est pourtant immensément talentueuse. Et vous avez été abîmée par l'après années 80, donc par le petit creux aussi après 86 et le succès de la Watt, vous avez été un peu abîmé, vous ou pas? Écoutez, je me bagarre pour ne pas l'être, mais c'est vrai que il y a quelque chose dans je sais pas, chez une frange des journalistes qui réduit beaucoup les gens à une chose, à un moment de leur vie. On est, nous les artistes, on est vivants, on fait plein de choses, on se renouvelle, on se réinvente, on cherche toujours à réinventer quelque chose. Donc quand on est réduit à un unique moment de sa vie, c'est vrai que c'est assez... Heureusement. C'est terrible. Heureusement qu'on n'est pas comme ça. On pourrait réduire Jérôme à ses deux jours de retard, mais heureusement qu'on en a parlé discrètement. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous avais vu au Festival d'Avignon il y a quelques années. Ah oui, absolument, j'y suis tous les ans. Oui. Et j'y étais encore cette année avec un nouveau spectacle, d'après les interviews de Françoise Sagan, qui a eu beaucoup de succès. Ah oui, il paraît que vous arrivez à faire son phrasé de manière incroyablement épatante. Vous pouvez nous faire un bout de phrasé de Françoise Sagan, puisque vous l'avez joué cet été à Avignon? Bah, vous savez, en fait, j'essaye pas de l'imiter. Je suis vraiment rentrée dans sa pensée, dans ses mots. Donc, je suis pas imitatrice. L'incarnation que je fais d'elle, elle est aussi portée par la lumière, par la perruque, par le fait qu'on voit pas tellement mon visage. Je peux vous dire les quelques premières phrases du spectacle. C'est, j'ai porté ma légende comme une voilette. Ce masque délicieux, un peu primaire, correspondait chez moi à des goûts évidents. La vitesse, la mer, minuit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est noir, tout ce qui perd et donc permet de se trouver. Enfin voilà, je pourrais continuer comme ça pendant une heure. Et wow. Alors, je vous ramène quand même au bouquin. Alors, je vous ramène au bouquin qui s'appelle Mes années 80. On va avancer parce qu'on découvre des moments de rébellion totale. Vous savez, notre amour du disco, à nous le grand public. Et alors, vous dressez le portrait de l'atelier de production et création. C'est un artiste qui s'appelle Jean Tuitou. Et son leitmotiv, c'était mort au disco, death to disco. Ah, et donc, on découvre qu'il y en a qui n'aimaient pas le disco. C'est Jean Tuitou qui a fondé une boîte de fringues qui marche très très bien partout dans le monde, qui s'appelle ATC, qui est voilà, un truc très chic, avec des tissus incroyables. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a pas mal changé la mode à la fin des années 80. Et moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a aussi des gens qui disent qu'ils n'aimaient pas les années 80. Dans les années 80, il n'y avait pas que des gens qui... Tout le monde ne trouvait pas ça absolument formidable. Donc, il y a Mondino qui dit qu'il préfère les années 70 et Jean Tuitou qui a haï le disco. Et j'ai trouvé ça drôle et intéressant qu'il y ait aussi quelqu'un qui dise « Ah ben non, moi, ah ouais. Tout ce que j'ai fait, c'est contre les années 80. Voilà. » C'est moi, très transgressif. Pardon ? C'est très transgressif de dire « J'aime pas le disco », d'autant plus aujourd'hui. Alors, on fait un tour de table sur le bébé de show pour voir qui se révèle. Qui aime bien autour de la table ou qui aimait bien le bébé de show ? Donc, vous vous souvenez des marionnettes, mais de Kermit, oui, Mitterrand, etc. C'est culte. Hein, Sarah, est-ce que vous étiez fan ou bof-bof ? J'étais très petite, mais je m'en souviens bien et on regardait à la maison. Oui, vous regardiez. Cathy, vous regardiez ? Oui, j'étais plutôt Colarico-show, là. Oui, avec oui, les filles les maths. Je sais plus. Bébé de show, Jérôme ? Ah, RPR, rapace pure race. Ah, donc il était fan. J'ai pas compris dans le bouquin, Caroline, si vous étiez fan. Parce qu'il y a des portraits qui sont plus neutres que d'autres. Il y en a où vous glissez une pointe d'avis, et il y en a où vous dites rien. Bébé de show, vous étiez fan ? Ben, c'est pas que je dis rien, c'est que j'ai envie de faire un livre qui plaise à beaucoup de gens, donc j'ai pas forcément toujours mon avis à donner sur les choses. Oui, moi j'aimais bien le bébé de show, bien sûr, c'était formidable. Les marionnettes étaient géniales, puis ça osait, c'était gonflé. C'est vraiment les pré-guignols, hein. D'ailleurs, c'est le type qui a fait les marionnettes pour le bébé de show, c'est ensuite lui qui a fait les marionnettes du guignol. Donc c'est vraiment juste avant les guignols, ça donne le ton. Alors, on pourrait aller dans les autres lettres. Il y a tout un chapitre sur la radio libre qui, forcément, pour nous, est passionnant, parce que la radio libre, c'était l'époque où on faisait un peu ce qu'on voulait. Il y a la page d'histoire sur le mur de Berlin. Juste un mot très rapide, Caroline Loeb, sur votre vie de nightclubeuse, puisque vous expliquez qu'à Paris, il y a donc deux lieux de fête importants, c'est le Palace et les bains-douches. Et donc, il y a tout un chapitre consacré aux bains-douches. Et vous aviez une vie de nightclubeuse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cocaïne, la nuit, alcool ? Oh là là, ça veut dire que j'ai passé 10 ans dans les boîtes de nuit, cher ami. Je me couchais à l'époque à l'heure à laquelle je me lève maintenant. Je rentrais tous les jours à 7h du matin et je voyais les magasins du quartier des Halles s'ouvrir en rentrant chez moi. Oui, bien sûr, je suis beaucoup, beaucoup sortie, mais les années 80, c'est une espèce d'année folle pour la nuit parisienne. Ouais. C'est vrai que c'est des fêtes extraordinaires. Et on passait notre temps à ça, à danser, à faire la fête, à faire l'amour, à faire beaucoup de choses. Chez nous aussi d'ailleurs, non ? Ah bah, Bruxelles et partout. Oui, les années 2016 sont passionnantes. J'étais à 21h dans mon lit hier, vous ? 21h03, très bien, Cathy. Ah, juste après Stéphane Bern, 2h30. Ah, là, c'est la nuit, hein, ouais. Jérôme ? Juste après Stéphane Bern. Et vous, Jérôme, à quelle heure au lit hier ? Je vais me coucher, là. Ben voilà. Donc on a deux couche-tôt et deux qui regardent la télé. La vie est passionnante en 2016. Ouais. Caroline Loeb, merci d'être passée ce matin. Ça s'appelle Mes années 80. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Oh, check. Et ton CC Mail ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. CC Mail, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudenier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Le 8-9. Qui qu'a dit ? Nous jouons à côté de Soigny. Vous êtes où exactement, Anne-Françoise ? Bonjour, Benjamin. Je suis à Thieuzy. Thieuzy, c'est juste à côté. Quelqu'un est déjà rentré à l'école chez vous ? Vous n'êtes pas concerné par tous ces trucs-là ? Si, un peu. Enfin, voilà, je suis enseignante, en fait. Ah, bougez, alors. Il reste, il reste 3 jours. Courage, là, Toussaint, c'est dans 2 mois. non, c'est pas vrai, la Toussaint tombe quand, cette année, Anne-Françoise ? Oh, je sais pas, je vous avoue, j'ai pas regardé. C'est dans 10 semaines, oui. Exactement. On sent bien la maman, là. N'hésitez pas, à tout moment, Sarah connaît tous les horaires de congé. Les ponts, les fériés, elle est incollable. Anne-Françoise, en attendant que je vous donne les coordonnées de Sarah, voici le Kikadi. Il y a un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fung pour le live. Et vous pourrez choisir une seule personne autour de la table pour vous aider. À propos de The Voice, qui a dit... Je ne ressens ni déception, ni enthousiasme, je n'ai pas cherché à rester. À propos de The Voice, je ne ressens ni déception, ni enthousiasme, je n'ai pas cherché à rester. Qui a dit ça ? Bastian Baker, qui n'est plus là, Morane, qui n'est pas dedans, qui était dans les négos, ou Stanislas, qui n'est plus dedans. Est-ce que vous voulez l'aide de quelqu'un autour de la table ? Il y a Jérôme, Cathy et Sarah. Ah, je veux bien l'aide de Cathy. Ah, oui. Pression sur alors, vous. Évidemment, ce n'est pas Morane. Et Stanislas est tellement entier, tellement passionné, il se donne tellement dans ce qu'il fait que j'ai l'impression qu'il n'a pas pu dire ça. Donc je dirais Bastian Baker, mais je ne suis pas sûre à 100%. Bon, ben, vous êtes libre de suivre ou pas suivre. Alors Anne-Françoise, vous dites quoi ? Oh, je vais dire Bastian Baker, je vais suivre Cathy. Ah ben non. Mais non, c'est Stanislas, non. Parce qu'il rempile pas. Mais non, oh, je suis désolée. Oh, c'est pas grave. En plus, le premier cadre. Ah oui, vous vouliez commenter. Non, mais même moi, je le savais. Mais alors, ouais. c'est dire. Anne-Françoise, nous gardons ce magnifique cadeau qui a enchanté des générations entières autour de vous à Thieuzy. Pourtant, mais le Japon, c'était beau. C'était beau. Et alors, le Japon en hiver, ces feuilles qui tombent en automne. Soit, quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck ? Canicule. Pourquoi canicule ? Parce qu'il y a des belles rimes à faire. Oui, c'est possible. Pourquoi canicule, Anne-Françoise ? Ben voilà, parce que cette circonstance, il va faire très beau. 34, 36 même aujourd'hui, c'est incroyable comme climat. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne rentrée scolaire. À la prochaine. Merci, au revoir. Salut. Merci, Sarah, puisque vous êtes experte. Le prochain pont qu'on peut un peu gratter, avoir un jour en plus, c'est quand ? Ouh, c'est pas tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. La fête de la communauté française, le 27 septembre, et c'est un mardi. C'est un mardi, mais donc il n'y a pas vraiment de pont. Tous les jours fériés tombent des jours de semaine en 2017. Ah, ça c'est 2017. Bien. On a des experts autour de la table, donc si vous voulez agencer vos congés, n'hésitez pas à appeler. Dans un instant, les sorties cinéma avec le petit belge, le youtubeur Jimmy Labeu. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Ce 22 août, l'école de coiffure et biostétique Peter rouvrira ses portes. Découvrez les sections coiffure, esthétique, aide familiale, gestion et animateur, mais aussi les 7e artistiques, patron coiffeur, gestionnaire de salon de beauté et aide-soignante. Inscription du lundi au vendredi de 9 à 16 h. Renseignements 31 rue de Peter, 04 343 92 91 ou sur www.peter.be. Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Et les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs ? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler ? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé ? Non ? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. jusqu'à 9h. Le 8-9. Et attention, il y en a une bonne, mais je suis désolé, je viens seulement de la lire sur la page Facebook du 8-9. Donc Caroline Loeb était avec nous il y a deux secondes. Commentaire de François Nouns. Elle a de grandes oreilles, Madame Loeb. Lobe d'oreille. Ouh. Et elle peut mettre de la ouate dedans. L'ambiance est délétère. Vous voulez que je passe après ça? 8h52, oui, c'était la première partie de la quig. J'ai décidé de la question partie d'intérêt général du jour. Je suis ravi de retrouver tous mes petits quigueurs, bien sûr, ouais, sur la page Facebook du 8-9, où nous avons dépassé les 40 000 fans d'ailleurs, il faut quand même le dire. Quel sera le sujet du premier cours de philo imposé aux élèves de primaire pour la rentrée? Le premier cours, donc. Vous répondez sur la page Facebook du 8-9, vous laissez toutes les réponses. Le but du jeu, c'est d'être drôle, évidemment. Concis. Concis. On les lit toutes, ah, mais oui, on n'en cite qu'une ou deux. Deux, généralement, par matin, mais tout le monde est gagnant. Et des stars se détachent au fil des années. Il y a des Usain Bolt. Des gens qu'on arrache des autographes dans la rue. Voilà, c'est comme ça que les carrières naissent. Donc répondez sur la page Facebook du 8-9. Merci d'ores et déjà. Alors, retournons au cinéma, Cathy. On a déjà entamé les sorties de cette semaine tout à l'heure dans le journal. On redit juste un petit mot de War Dogs, parce qu'il y a un truc excitant derrière, c'est que c'est les mecs de Very Bad Trip. Oui, c'est le réalisateur de Very Bad Trip, vous voyez, hein, cette trilogie de films où quatre potes passent une nuit de folie et font plein de bêtises. On est dans le même registre, hein, ce sont deux amis qui vont enchaîner les mauvaises décisions, sauf qu'ici on est dans une histoire vraie, on est dans une histoire de vente d'armes totalement incroyable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve, comme dans Very Bad Trip, l'amitié masculine, les trucs un peu fous, le côté comédie, et en même temps ça fait réfléchir sur l'économie américaine, sur la guerre. On apprend des choses et on se divertit. Moi, j'aime beaucoup ce mélange des genres. Mais c'est dans le même esprit. Je crois que c'est dans le troisième, dans le Very Bad Trip, où il est sur l'autoroute et qu'une girafe sur la remorque qui passe en dessous du pont. Oui. La girafe est décapitée. Oui, le 2 ou le 3. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Ouais. C'est beau. Ça, c'est un coup monté. C'est dans le même esprit ou pas? Oui, alors peut-être un peu moins exagéré parce qu'on est vraiment dans des faits réels. Mais par contre, c'est incroyable. On passe un moment génial. Et ah, Jonah Hill est très, très bon. Nouvelle grande star américaine. Bon, alors retenez ça, War Dog. Je sens qu'elle aime bien. Oui. Autre sortie cette semaine, ça s'appelle Agent presque secret, c'est une comédie. Oui, alors ça, j'aime même encore plus. L'histoire, c'est ce qu'on appelle un buddy movie, hein, donc l'arme fatale, deux personnes qui a priori sont papotes et qui doivent vivre une grande aventure ensemble. Et le début de l'histoire est génial, ça se déroule dans les années 80 en réto, hein, donc au collège américain. Et on a le souffre-douleur de la classe, le mec un peu gros, qui n'a pas d'amis, qui danse sur du Madonna, et voilà, c'est le souffre-douleur. Et on a le mec super populaire qui sort avec les plus belles nanas qui est promis un brillant avenir. Classique, ça, c'était là. On démarre avec le flashback et puis hop, aujourd'hui, eh ben, le petit gros est devenu une montagne de muscles. Ah. Interprété par Dwayne Johnson alias The Rock, et le mec qui allait être, voilà, qui était le plus populaire à l'époque, est devenu comptable et s'emmerde un peu dans sa vie. Donc il y a une espèce de retournement de situation, et la montagne de muscles est carrément devenue agent secret. Il va embarquer son ex-ami dans une folle aventure. Alors à la réalisation, il y a le mec qui avait fait La famille Miller, une famille en herbe avec Jennifer Aniston. Qui était une très bonne comédie. Donc on est dans un humour assez iconoclaste, assez trash, et en même temps des répliques cinglantes qui fusent. C'est un vrai divertissement où ça ne s'arrête pas une seule seconde. Moi, j'ai pleuré de rire. Je trouve que les personnages sont vachement bien écrits. On a le grand baraquet et le petit maladroit, et c'est la bonne surprise, parce que j'attendais pas grand chose de ce film. Ce sont des superstars américaines. Le petit comptable Kevin Hart, c'est le Gad Elmaleh américain. Donc si vous êtes fan de l'humour qui fuse, à voir en VO absolument. Il y a un truc avec ce Dwayne Johnson, il ressemble à quelqu'un, mais enfin le Rock, mais je sais pas qui. Oui, c'est un air de Vincent Compagnie. Vous ne trouvez pas qu'il a un air de Vincent, le visage Vincent Compagnie qui a été très près des athlètes russes, alors. Hein. Non, mais dans le visage, pas dans le corps, mais dans le visage. Je ne crois pas qu'il a un air de quelqu'un. Un léger truc. Ouais, c'est parce qu'on le voit. En fait, il a fait beaucoup de second rôle, donc on a l'impression, ça fait quand même 15 ans qu'il fait du cinéma. On le voit dans beaucoup de films, notamment La Momie. C'est un visage qu'on connaît. Son nom n'est pas encore aussi populaire chez nous, mais il est très très bien dans la comédie. Ouais, bah vous irez voir l'affiche alors de ce film, vous irez le voir au cinéma. Ah, le quart d'heure belge. Ah, oui. Vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être déjà vu, vous avez déjà regardé Jimmy Labeu. Ça me dit rien, en fait, vous en parlez depuis tout à l'heure. Je me dis, je suis pas assez connectée, branchée. Ce sont des univers parallèles. Mais non, mais ça cartonne sur YouTube. C'est un jeune YouTuber. C'est un petit jeune de La Louvière, c'est un Belge. Alors moi, j'avoue que je connaissais pas du tout non plus. Et je suis allée voir sa page YouTube, son Facebook. Il y a des vidéos qui approchent les 4 millions de vues. Mais oui, non, c'est énorme. Donc, il a 700 000 fans de Facebook. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Et grâce à nous, là, il vient d'en reprendre 100 000 de plus. Ah, franchement, à La Louvière, tu as Franco Dragon et tu as Jimmy Labeu. Et Freddy Tougo. Et Freddy Tougo. Pardon. Attends, j'en cherche... Remettons un petit peu l'église au milieu. J'en cherche un quatrième. Et la statue de loup. Vous voyez, dans le centre de la ville, il y a la statue. Là, vous nous perdez, là. Allez à La Louvière. Eh bien, c'est un futur, à mon avis, talent du cinéma aussi, parce que ce petit est assez épatant. Le correspondant, c'est une comédie familiale. On a déjà vu ce genre de film. Lui, comme dans le film précédent, eh bien, c'est le souffre-douleur. C'est vraiment le mec pas cool de la classe. Et il a une idée, il se dit, mais tiens, pour attirer un peu les gens de mon école, je vais demander à avoir un correspondant. Comme ça, si c'est une super belle nana, hop, j'ai une belle nana près de moi. Et si c'est un mec qui a la classe, eh ben, voilà, tout le monde vous radera devenir mon avis. Sauf qu'il se retrouve avec une fille allemande, gothique, avec des piercings de partout et pas cool du tout. Voilà. Ah, et en plus, pas cool. Ah non, elle est pas cool du tout. Ils ne s'entendent pas. Alors moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il est réalisé par Jean-Michel Bensoussan, qui lui a bossé sur Les Guignols, sur Les Carnets de Monsieur Manhattan, mais aussi pour la série Soda avec Kev Adams. Donc on a un mélange d'humour un peu trash aussi, Jérôme. Il y a quelques feintes où on se dit « Oh, wow, ils ont osé pour un film pour ados, c'est pas mal. » Et en même temps, de la bienveillance, de la gentillesse, des petites feintes. Donc je pense qu'à 14-15 ans, on va totalement craquer pour ce film qui a été entièrement tourné en Belgique. Ah, c'est pas mal. Et il y a des scènes à La Louvière ou pas, près de la statue Moi, j'ai reconnu des endroits à Bruxelles. Oui, moi aussi, oui. Ok, attendez, parce qu'en même temps, je regarde pour Sarah sur YouTube Jimmy Labeu. J'essaie de le retrouver. Donc, chaîne vidéo, dernier post, il y a 3 semaines, Sarah. Et ça s'appelle Labeu le retard. Ouais. Ou alors, il y a Labeu, petite balade en voiture. Il y a Labeu le chasseur. Et Labeu football. Labeu les football, élèves. Ça, c'est bien. Et alors, attendez, parce que combien de vues alors? Eh bien, Labeu les élèves 2, 3 630 000. C'est incroyable, hein. 685 000 vues. Il est sacrément charismatique pour son âge. Il a l'air tout gentil. Moi, je mise sur lui. Ah ben voilà, elle mise sur le bon cheval. Vous aviez misé sur Dragon ou pas au début? Non. Elle n'a pas toujours le flair. Enfin, encore que bon. Soit, c'était les sorties cinéma de cette semaine. Merci Cathy. Avec plaisir. Ah, c'est tellement bien de sentir le vent dans ses cheveux en roulant. Ah oui, mais ce serait quand même mieux si on roulait en décapotable. Et pas seulement avec les fenêtres ouvertes. One extra cash. Play Cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Vapona, votre arme contre les insectes. Eh ben moi, pour la météo, je ne mise que sur vous, Denis. J'attends beaucoup de vous. Oui, eh ben, vous recevrez énormément. Ce sera aujourd'hui, eh bien, encore une belle journée estivale. On parle de canicule, de vagues de chaleur. Mais c'est vrai que si vous prenez toutes les précautions, eh bien, on profite énormément de ces conditions météo pour toutes les activités en plein air, si vous en avez l'occasion, pour autant que vous évitiez les efforts violents. 27 à 33 degrés, voilà pour les valeurs du jour. Peut-être 34 du côté de la campine. Un vent modéré de secteur sud-est, il sera le bienvenu. Quelques nuages d'altitude sans conséquence sur le nord du pays. Demain, encore 1 degré de plus. A priori, la journée la plus chaude de la semaine. Mais vendredi, samedi et dimanche, on restera au-dessus de la barre des 30 degrés dans le centre du pays, avec une dégradation orageuse possible dans la nuit de dimanche à lundi. Bonne journée, vous êtes sur Viva, il est 9h. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le journal donc, et les secours qui sont à pied d'œuvre après le tremblement de terre en Italie. Jusqu'à 10 morts selon les autorités, des victimes toujours prisonnières des décombres. Le séisme a eu lieu en plein milieu de la nuit dans le centre du pays. Un séisme de 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter qui a